beaucoup d'histoires, mais connaissez-vous cette ce genre de guitare? On raconte qu'il aurait perdu ses oreilles alors qu'il était plongé dans un profond sommeil. Mais quel malheur, oh quel malheur pour ce pauvre musicien de n'entendre plus rien du soir au matin. Sans son instrument, pareil à un enfant qui aurait perdu ses parents. Et quand parfois entre ses doigts il tenait sa guitare, les seules pensées qui lui venaient étaient bien souvent noires. Des années passées, mais toutes se ressemblaient. La vie devient si monotone lorsqu'on n'est plus personne. Rongé par le pire, le pire des désespoirs, fatigué de vivre au hasard, il en finirait ce soir. Un pied devant l'autre, direction le grand saut, une larme au coin de l'œil, il marche sur les feuilles de cette forêt. Dernier lieu traversé en cette soirée où tout a basculé, mais ce moment de sauter. L'éclair frappe à la tête du malheureux. On crut d'abord à la mort, mais il respirait encore. Quelques heures après, il se relevait, mais cette fois-ci il souriait, quelque chose avait changé. J'ai trop besoin de mes oreilles pour pouvoir jouer. Même s'il faut plusieurs années, je les retrouverai. Ne sachant pas où chercher, c'est par sa maison qu'il a commencé. Il fouille à tous les recoins, du salon à la salle de bain, mais ce fut en vain, car elle n'y était point. Ça y est, ça recommençait, la colère revenait. Il se mit à hurler, à s'en faire étouffer. Mais comme une crise de nerfs, n'ayant jamais rien résolu, il s'assit par terre et reprit du début. Si j'étais une paire d'oreilles, où est-ce que je me cacherais? Sûrement pas dans les poubelles, ça sent bien trop mauvais. Peut-être dans les rayons d'un supermarché. Mais bien sûr que non! Pourquoi? C'est trop peu discret! Où ça? Ça y est, où ça? J'ai trouvé. Elles ont voulu découvrir d'autres horizons, partir à la recherche de nouveaux sons. Et même si je sais que la route sera longue, je les retrouverai même au pied d'un tour du monde. Accroché à ses illusions, qui il espère l'aideront à retrouver son audition. Au programme de cette triste affaire, visite les quatre coins de la terre. Il commença par les trois pyramides, vous savez, celles qu'on ne trouve qu'en Égypte. Fouilla toutes les momies, mais sans résultat, pas d'oreille ici. Puis ce fut autour de celle de Pise, vous savez, cette tour d'Italie qui mange jour comme de nuit. Il fouilla d'édifice, mais sans résultat, pas d'oreille ici. Épuisé, déconcerté, peur de ne jamais retrouver le fruit de cette quête acharnée qu'il avait fait tout en marché. Il frappa de toutes ses forces dans ce gros rocher qui roula sur les bosses d'un chemin escarpé. Mais en bas, une roulotte s'est arrêtée et la pierre idiote ne put que s'y écraser. La foulée, il en bas voir s'il n'y avait pas trop de dégâts. Un frisson glacial traversa son corps d'haut en bas quand la porte de la roulotte bougea. Un homme à la peau mate se dressa alors devant lui, et la première chose qu'il remarqua était derrière celui-ci